Alors, je vais faire un petit briefing sur les règles, parce que là, en fait, on a juste fait la création de personnages. Première chose, une règle de contrat social. Si vous voulez faire des vannes, notamment des vannes sur ce que font les personnages des autres ou sur ce que font les figurants, vous les faites dans le personnage. Enfin, surtout si vous avez prévu de balancer une grosse vanne bien lourde, c'est le personnage qui fait la vanne. Ça, c'est important. Gestion d'humour, voilà, l'humour, c'est dans le personnage. Voilà. Donc sinon, moi en tant que MJ, je gère pas la parole. C'est-à-dire que... Ah oui, Peggy, oui, fiction. Ok, je vois déjà qu'il y a des contournements. je gère pas la parole, c'est-à-dire que un petit peu comme l'ordinateur dans un jeu vidéo, je parle tout le temps. Et si vous voulez agir, faire quelque chose, poser des questions, eh bien vous m'interrompez. Sachant qu'à partir du moment où vous m'interrompez, il faut vraiment que je me taise, même au milieu d'une phrase. Donc n'hésitez pas à me couper que quand vous voulez. Donc voilà, ça c'est là. Mais n'attendez pas à ce que je vous lance le traditionnel que faites-vous, parce que je risque de pas le faire. Alors, par contre, je vais tester une chose encore jamais faite dans Arbre, mais c'est-à-dire qu'il y a, il y a, par contre, il y a des tours de jeu. C'est-à-dire que en tant que MJ, je m'intéresse d'abord à un personnage et ensuite à un autre, ensuite à un autre. Ça ne veut pas dire que les autres peuvent pas agir, mais moi, entre guillemets, je vais utiliser ce que je sais sur le personnage et ainsi de suite pour que le projecteur va se déplacer d'un personnage vers l'autre comme ça. Alors bon, j'ai jamais testé les tours, je sais pas si j'y arriverai dans ce jeu-là, je vais essayer, mais je sais pas. Alors, sinon, un outil. Dire, Thomas, j'ai Ouais. fait une connerie, je t'ai envoyé une attache au lieu d'envoyer l'éphémère. Enfin, bon, juste Eh pour ben, c'est pas grave, comme ça je la connais. te dire. Tant pis pour toi, tu payes ton erreur. Tu la paieras cher. Hop. Ou toi, tu vas payer un cher, tu préfères peut-être ne pas savoir. Alors, donc au début de chaque scène, enfin régulièrement en fait, je vais vous en commenter, je vais vous demander sur quelle ambiance on est. Si vous me dites cauchemardesque, c'est que il va y avoir du danger, de l'horreur. Vous êtes à fond prêt, vous êtes chaud patate. Et donc après moi en tant que MJ, j'essaie de m'adapter. Je garantis pas, hein, c'est-à-dire que si moi en tant que MJ j'ai pas la patate pour lancer dans du cauchemardesque, ce sera pas cauchemardesque. Périlleux. Si vous demandez du périlleux, bon bah c'est grosso modo c'est entre guillemets au niveau des pédales d'accélération et de frein, on touche à aucune pédale, c'est-à-dire qu'on reste à peu près sur le rythme tel qu'il est. On est en intime, c'est un peu l'équivalent de la pédale de frein. C'est parce qu'on veut pas trop de danger, pas trop d'horreur pour le moment. On est plutôt en train d'installer l'ambiance, de camper les personnages. On est dans le calme. Sinon, le système de résolution est à la fois simple et à la fois compliqué. si ton personnage veut faire un truc, et que moi, en tant que MJ, je décide que ça va pas être facile. Par exemple, échapper au loup qui te pourchasse, séduire le serveur, ou tout simplement réussir à grimper à un arbre. Il est possible, si en tant que MJ, j'estime que c'est difficile, je vais t'annoncer en fait que ça coûte un prix. Donc par exemple, je te dis, bah oui, tu peux monter à l'arbre, à condition que tu comment tu perdes une de tes affaires. Et toi, en tant que joueur, eh bien, tu me dis si tu payes le prix, auquel cas t'obtiens ce que tu as réclamé. Ou alors, tu payes pas le prix, donc tu n'obtiens pas ce que tu as réclamé, mais par contre, tu peux en profiter pour reformuler ton vœu. Et donc, peut-être qu'en reformulant, tu vas réussir à l'obtenir. Et la dernière chose, en fait, à chaque fois que je propose un prix, c'est tu peux dire, je prends l'as de pique. Si tu prends l'as de pique, tu obtiens exactement l'inverse de ce que tu voulais. Donc, ou en tout cas il se passe une catastrophe. Par exemple, si tu voulais monter de l'arbre, bah en fait au lieu de monter, tu tombes de l'arbre. Et en contrepartie, tu notes sur ta feuille ce qu'on appelle un as de pique. Un as de pique, en fait, c'est quelque tu pourras le sacrifier pour plus tard obtenir ce que tu veux sans payer le prix que j'ai demandé. Ou également ajouter une voix lors d'un duel entre persos. Voilà, c'est noté, hein, c'est noté sur le guide du joueur, hein, pour information. Sachant qu'on peut aussi convertir immédiatement l'as de pique en avantage, en fait, au lieu de dire bah écoute, l'as de pique, moi je veux un avantage à la place, et donc du coup le MJ va dire ce que c'est. Alors c'est le MJ ou le goupil. Donc dernière chose qu'il faut que j'explique, c'est le goupil. C'est quoi le goupil? Et là c'est là où ça devient rigolo. En fait, chaque personnage, chaque clochard est hanté par une petite voix. C'est le goupil. Il y a une petite voix qu'il est le seul à entendre, qui lui parle. Le goupil, en fait, c'est on sait pas trop ce que c'est. On va dire, on peut imaginer que c'est, mais bon, c'est peut-être pas ça. Et le goupil, il aime ton personnage, mais seulement quand ton personnage il est dans l'abandon. Et quand il est en survie, il aime pas trop ton personnage. Si le personnage fait des trucs risqués ou des trucs un petit peu psychédéliques ou juste des trucs bizarres, le goupil risque d'apprécier. Si ton personnage fait des trucs juste pour garantir son confort, sa survie ou sa sécurité, il est certain que le goupil va pas apprécier. Quand le MJ estime que quelque chose est difficile, il peut dire bah il y a un prix à payer et c'est le goupil qui annonce c'est quoi le prix. Inversement, ça peut être le goupil qui dit bah non, bah ça cette chose à faire c'est difficile. Et là, à ce moment-là, c'est le MJ qui annonce le prix à payer. Et pour finir, si un joueur transforme un as de pique en avantage, c'est le goupil qui dit, qui explique ce qu'est l'avantage. Est-ce que vous avez des questions sur le système de résolution et sur le rôle du goupil? Bon, je pense que les Alors. questions viendront au fur et à mesure parce que je n'avais pas tout retenu, mais. Ouais, de toute façon, Ouais. tout est noté dans le guide du joueur. Ouais, disons qu'on regardera sur le moment, mais c'est vrai que toutes les options de jeu, moi, je pense, enfin, moi, j'arriverai pas à tout utiliser, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est pareil, c'est du grand, hein, donc je redirai au fur et à mesure. Et puis n'hésitez pas, dès que vous avez un moment libre, relisez un petit peu le guide du joueur. Hop. Et dernière chose, en fait, en tant que goupil, le goupil peut parler en fait ou envoyer des messages privés, vu qu'on a une chatbox. Il peut parler en fait à son ami, c'est-à-dire le personnage dont il est le goupil. Et l'ami, en fait, s'il en a marre que le goupil lui parle, il suffit qu'il dise tais-toi goupil. Et là, le goupil se tait, pour un temps, évidemment. Sachant que le goupil aussi peut suggérer au MJ des crasses ou des trucs qui pourraient ou des trucs bien ou pas bien qui pourraient arriver au personnage. Et donc il peut faire des suggestions au MJ. Et donc du coup il va falloir que alors le joueur qui a le moins d'expérience est le premier à se choisir un goupil. Alors je vais dire que c'est Peggy dans le sens où t'as jamais joué à Milvaux et t'as jamais joué avec moi. Bah Du déjà, coup. je veux pas prendre Arjuna vu les trucs qu'il m'envoie. Ça, mais je t'ai rien envoyé, de toute façon c'est secret. Du coup, tu prendrais qui, Volsung ou Philippe? Philippe, j'ai moins peur. Ok, donc Philippe, Moi, tu es choisis-moi. Largement. le goupil de Peggy, du coup c'est à ton tour de te choisir un goupil. Sachant que tu peux pas choisir Peggy. Je vais prendre Arjuna. Fabrice. Fabrice, du coup, alors attends, bah, je pense qu'en termes de logique, je crois que t'as pas trop le choix, parce que si tu prenais Peggy en goupil, bah Volsung il serait un petit peu tout seul. Donc je pense que t'es obligé de prendre Volsung en goupil. En vol son, ça marche. Et Ça donc du peut... coup, Peggy, tu seras le goupil de Volsung. Dommage. Ah oui. Donc, Peggy est le goupil de Volsung, ça veut dire que Volsung est l'ami de Peggy, en fait, quand le goupil s'adresse quand Peggy, quand tu t'adresseras à Volsung, tu l'appelleras mon ami. C'est pour faire la différence, en fait, si t'appelles, si tu parles en tant que personnage ou si tu parles en tant que goupil, quoi. Si tu commences ta phrase par mon ami, ça veut dire que tu parles en tant que goupil. Ouais, ça va falloir qu'on se fasse un petit dessin pour savoir qui fait qui, parce que... Sur le bord, ouais. Par exemple. Voilà. Moi, pendant tout le temps de l'explication, j'écoutais d'une oreille en achevant Frédéric. J'essaie de me trouver une image qui correspondra pas forcément, mais au moins qu'on puisse se repérer. Ah, ça y est, Philippe est parti. Oui, il est en train de faire le schéma. Je vais lancer. Alors, est-ce que sur les topos, sur les règles, est-ce que ça vous convient? Tout à fait. Je dirais comme Peggy, j'ai ingéré ce que j'ai pu, le reste, on va mettre rappelé en cours de partie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ça devrait aller. Impeccable. Ce que je vous propose, de toute façon, on n'en est pas à un ange qui passe près. C'est un truc que j'aime bien faire depuis quelques temps. C'est Ah oui. on fait une minute de silence. Pour s'immerger en fait dans le perso, enfin vous vous immergez dans votre perso et moi je m'immerge dans mon scénar. Et au bout de la minute de silence, je vais rompre le silence et on commencera à jouer. Est-ce que ça vous va? Bah, est-ce qu'on a fait la description de tous les personnages? Ah bah non, mais ah ouais, bon, voilà, je filais plus temps, là ce sera en jeu. Ok. Donc, attention, je vais lancer la minute de silence. C'est parti. C'est le son des mouches attroupées en fait sur les cadavres, les 5 cadavres qui sont sur le pick-up que vous venez juste de découvrir. C'est un véhicule amoché, vieilli, mais qui peut encore visiblement, qui a encore possibilité de rouler, qui est enfoncé en fait un petit peu à l'abri des regards, enfoncé au bord de la voie déchue, à moitié caché par les branchages. Et donc dedans, il y a ces 5 personnes toutes égorgées, qui ouvrent une gueule béante, et les mouches en fait se repaissent de comment du sang qui perle de leur gorge déchirée. Voilà, il y a ces deux corps inertes qui sont sur la plateforme du pick-up, qui comporte aussi donc une malle noire qui a l'air bien mastoc. Et puis il y a quelque part ce qu'il y a de plus triste dans ce tableau, c'est ce Saint Bernard avec un qui devait appartenir à quelqu'un qui le choyait, avec un petit foulard rouge, et qui est au pied du pick-up, qui a dû essayer soit de pourchasser quelqu'un, soit de s'enfuir, et qui a lui aussi la gorge éventrée et qui vous fixe d'un dernier regard noir qui commence à se voiler, un regard qui disparaît sous les mouches. Il y a un côté un peu surréaliste. Belette relève la tête, on voit ses traits tirés, Son corps un peu chétif, ses cheveux longs tombant sur les yeux. Il porte des vêtements très enfantins, un peu comme sorti d'un film de Peter Pan. Il s'amuse avec un yo-yo clignotant et regarde d'un air un peu ahuri ses camarades et des corps qui sont hantés par les mouches. Théophraste est agenouillé devant le cadavre du Saint-Bernard. À ses côtés, il y a son fidèle cocker qui répond au nom de Gabriel. Et il caresse l'animal mort, hein, à plusieurs reprises en disant « sage, gentil », sachant que mon crâne est la branche morte, en l'occurrence. Je fisse un peu d'esprit. Et accessoirement, je vais partager ma fiche. Alors, il y a comment? Le fait que le pick-up ait été caché à l'abri des regards, c'est sans doute pas innocent. Vous savez notamment qu'il y a en fait la voie des chutes est très mal fréquentée. Puisque il y a notamment un gang qui s'appelle le gang des quads qui en fait attaque tous les campements qui sont au bord de la voie des chutes. Après un instant de pause, Dick enjambe le cadavre et va ouvrir la porte du pick-up et commence à regarder ce qu'il y a dans la cabine. Alors déjà dans la cabine, ce qu'il y a, c'est des morts, quoi. Vu comment ils sont accoutrés, c'était des zonards, en fait, des mecs qui tracent la route. Et il y en a un en fait qui visiblement faisait copilote et qui a une espèce de carte posée sur les genoux et sur cette qui est grossièrement c'est un croquis, c'est une carte qui a été faite à la main. On voit Marley Gaumont d'un côté et en direction en direction de la Saxe, il y a coché en fait l'arbre pendu. Ok, ben je prends la carte, puis je tire les cadavres hors de la cabine pour pouvoir rentrer et examiner un peu vite poche et compagnie. Moi, je reste à l'extérieur, je regarde tout ça d'un air assez détaché. Je suis plutôt à surveiller les alentours. Mécaniquement, si je prends la carte, je dois me rajouter une feuille en matériel. Ouais, tout à fait, vaut mieux hein, pour t'en rappeler, quoi. Sur la carte, en fait, dans le vide-poche, tu trouves un pistolet auquel il ne reste qu'une balle, qui est dans le chargeur. Je prends. Je le montre à mes compagnons qui veut prendre soin de ça. Moi. Théophras relève le nez, puis il fait juste un nom de la tête. Tu vois que Belette est interloqué l'espèce d'un instant et puis se saisit de la carte comme il pourrait se saisir d'un trésor. Et la carte, je l'ai mis dans ma poche. Ah, ok. D'accord. C'est le bah, revolver, enfin, le pistolet que je propose. Ah, excuse-moi, j'ai mal compris. Il hausse les épaules d'un arpenaud, alors juste, excuse-moi. Bon, bah... Je le prends aussi, alors. Ma foi, si personne n'en veut. Ah, attendez, on a des questions. Oui, je t'ai envoyé ma fiche. Je l'ai partagée en Google Docs. fait. Ah, Google Docs, waouh. Ouais, j'aurais dû commencer par ça, en fait. Allez, du coup, faut que j'aille Il faut sur qu'on Google t'envoie Docs. nos fiches? Non, non, non, du tout, c'est Volson qui fait du zèle. Bah, je me disais quand même qu'il fait que tu es que t'as un aperçu de nos feuilles parce que à ce prix-là j'aurais pu comment dire maintenir le doute et prétendre que mon personnage était totalement achevé alors que j'allais Non, mais en même désespérément. temps, là, c'est caché. Non, justement, je ne sais pas ce qu'il y a sur ta feuille. Tu crois qu'on a fait quoi? Ah d'accord, en fait vous bluffez vous aussi depuis le début. Ouais. D'accord, J'ai donc en fait on va. pas à savoir en fait ce qu'il y a sur ta feuille. Je vais savoir que ce que tu vas dévoiler au fur et à mesure. Ah, j'ignorais, mais dans ce cas, je vais détruire aussitôt le document. Ok, ça roule. Bah, très bien. Ok. Il y a, alors, je réalise une chose, c'est que le truc de tour, bon, j'aime pas changer les règles en cours de test, mais bon, quand ça coince vraiment, je suis obligé de le faire. Le fait de jouer les tours sans l'annoncer, ça fonctionne juste pas, donc je vais plutôt annoncer les tours. Donc là, c'est le tour de Fabrice. Est-ce que tu connais déjà l'arbre pendu ou t'es déjà allé? Alors, qui me pose la question Le MJ. là? Ok. En fait, j'aimerais savoir comment on gère le méta à peu près. Parce que la plupart du temps, quand on parle, on reste dans nos personnages. C'est juste pour que ce soit clair. Et si par exemple, il y a quelque chose qui est secret au personnage et que je réponds au MJ, comment on est censé faire en fait par rapport à nos fiches de Alors, personnalité? on joue quand même assez. Enfin, on joue plutôt en open, hein, c'est-à-dire que tu. C'est-à-dire si tu dis une chose que les autres sont pas censés savoir, ils font abstraction en fait. Ok, Après, ouais. si c'est vraiment important pour toi que ce soit privé, bah tu me fais un message privé. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est plus rigolo quand c'est pas privé, mais juste pour Ok. savoir la routine, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand je le dirai pas au personnage. Ok. Ben, l'arbre pendu, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup et qui me hante. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour moi, mais je saurais pas exactement dire pourquoi. Mais je le vois en rêve et chaque nuit la vision se précise un peu plus et donc là je vais l'afficher je l'ai en mémoire donc arbre pendu Ok. je sais pas comment. Alors, t'as, en fait, en y pensant, t'as une espèce de flash, de rêve éveillé, et tu vois en fait, tu vois l'arbre pendu au loin, quoi. Alors, il est au milieu de la forêt lui-même, et il y a une personne, comment, il y a une personne qui fait un vent terrible qui balance les cordes pendues, et il y a une personne qui te tourne le dos et qui regarde l'arbre. Est-ce que tu, comment Il faut savoir que par contre, pour réussir à voir qui elle est, ça aura un prix. Donc c'est une personne qui a le dos tourné qui me dit ça, c'est ça? C'est le sentiment que t'as, quoi. C'est que si par exemple, si tu veux lui tourner les épaules, ça aura un prix peut-être terrible, hein. Excuse-moi, il y a juste un truc que je ne situe pas. Tu me parles de tourner les épaules de qui? Excuse-moi. La personne qui tourne le dos là. Si tu veux voir Ah oui, en fait, son je visage. veux pour voir son visage. Ok. Pas juste dans un élan de doute, je jette un œil au pendu. Est-ce que je les discerne mieux? Est-ce que je vois à quoi il ressemble exactement? En fait, les pendus, c'est des comment? C'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes qui portent des tatouages, les tatouages de votre tribu. D'accord. Bah, j'ai le sentiment de ne pas le faire. J'ai une terreur sourde qui m'assaille à l'idée de le faire, mais je peux pas m'empêcher, comme hypnotisé, je m'approche et je tente de voir son visage. Ok. Goupil, quel est le prix pour voir son visage? C'est moi, Goupil de Fabrice, en fait, sur la liste. Ouais, donc c'est soit quelque chose qu'il pourrait perdre, alors sachant que tu connais pas grand-chose de lui, ça va être difficile de lui faire perdre quelque chose, ou soit ce serait en fait un nouveau handicap, quoi. Par exemple, si tu vois son visage, tu vas avoir une crise de démence, ben, bref, ou alors tout simplement, tu vas révéler une information dangereuse pour toi. Je dirais que t'as un souvenir refoulé, désagréable, qui va t'attraper, quoi. Ok. Mon ami. Est-ce que j'ai le droit de demander des précisions? Bah oui, bien sûr, oui. Est-ce que... Ouais? Donc ça, c'est-à-dire que le prix à payer, c'est quelque chose qui est concret, qui est public. C'est concret, c'est-à-dire que ça se paye tout de suite, et c'est public. Donc par exemple, souvenir désagréable, soit c'est un sou si tu veux plus de précision, bah soit le goupil va la raconter lui-même, Aïe. soit c'est toi qui seras obligé de raconter un truc désagréable, quoi. Non, ça me pose pas de soucis dans l'absolu. Est-ce que ce souvenir, c'est quelque chose qui va m'handicaper au quotidien, je veux dire? Est-ce que ça va bouleverser quelque chose en moi, par exemple? C'était pas goupil, t'en penses quoi? Après, ça dépend de ta moralité, ça dépend. Ça dépend comment tu te sens dans tes baskets, quoi, comment tu arriveras à vivre avec ça. Peut-être que c'était peut-être que c'était par moyen de défense que tu as voilé ce souvenir, ou peut-être que c'est juste l'oubli qui a fait son travail. Je te connais pas encore assez pour savoir quoi ce te sera nuisible, hein, si ça se trouve. Ah, d'ailleurs, le boulot principal du goupil, justement, c'est d'en savoir un maximum sur son ami. Pour D'accord. pouvoir mieux le tourmenter. Ok. Si ça se trouve, il va me laisser aucune attache, aucune accroche dans laquelle planter mes micros. Allez, gamin! Alors, tu payes le prix? Est-ce que tu essaies Oui, de voir? je paye le prix. Ouais. Je paye le prix. Ok. Bah, en fait, la personne, c'est ta petite fille. Et quand elle, enfin, elle est. Alors juste une question. Est-ce qu'elle t'accompagne? Parce que en fait, je sais que t'as une petite fille, mais je sais pas si elle t'accompagne en ce moment ou pas du tout. Alors justement, c'est là où, en fait, porterait-on. Non, quand je dévoile la carte, c'est que j'utilise pour une action, un événement, ou c'est quand tu me poses des questions. Alors, ah oui, juste pour information sur votre feuille de personnage, pour dévoiler une carte, le plus simple, c'est que vous entourez en fait le mot quand vous l'avez dévoilé. Mince, mais du coup, faut que tu me reposes ta question, Fabrice, parce que j'ai déjà perdu le fil. Ouais, parce que moi je l'ai mis en zone texte à côté de mon perso. Là par exemple, tu me poses une question et j'ai un mot en rapport, tu vois. Ok. Dans l'un de mes trucs. Donc là, Ouais, je te bah. réponds en dévoilant, c'est ça l'idée? Oui, de toute façon, dès que tu dis quelque chose qui dévoile, entre guillemets, une information sur ton perso, bah tu effectivement tu dévoiles le post-it, ouais. Donc en fait, au fur et à mesure, on fait apparaître notre Ouais, feuille de c'est ça. perso, Vous quoi. dévoilez votre feuille de perso au fur et à mesure. Ok. Alors c'est beaucoup plus fluide quand on est autour d'une table parce qu'en fait on a noté ça sur des post-it puis on révèle les post-it au fur et à mesure. Alors bon, sur real time, c'est pas évident, hein. Bon. Oh, Vous merci. voyez si vous le faites ou pas, hein. Sinon on peut le faire juste en vocal, mais. Moi, j'ai commencé à droite. Moi je le fais parce que ça permet de rebondir sur les choses qu'on a apprises, quoi. Même si on perd un Ok. peu de temps. Donc du coup je te repose la question comment Belette, est-ce que ta fille elle t'accompagne d'habitude en ce moment là? Non, ma. Attends deux secondes, j'ai fait. Attends, pause, je crois que j'ai un blackout, je crois que j'ai fait une connerie. Mais c'est pas grave, hein, je peux rebondir. Ah, ok, ouais, parce que j'ai fait un autre truc qui ressemble, mais ça n'a rien à voir. Ok, bon, tant pis, j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Phil, je t'encourage à mettre tout ce qui touche ta feuille de perso autour du goupil, quoi, histoire de centraliser un peu les données. Parce que de toute manière, ça va apparaître au compte-goutte, donc. Ouais, mais ça va prendre plein de place, t'imagines, avec 20 post-it. C'est pas comme s'ils allaient tous apparaître, non? Et tu peux réduire la taille. Puis les post-it, c'est des bêtes lignes. connais pas trop le chou sur des. Enfin voilà, il est en train d'arriver. Ce que je craignais, c'est que faut pas que le real-time board Prenne le pas. sclérose le jeu. Hein. Ouais. Donc, D'accord. travaillez sur le real-time board quand vous le sentez. Et surtout, faut pas que d'abord vous racontez, ensuite vous bidouillez le tableau, pas l'inverse. Donc, Donc, revenons aux moutons. Bête. ouais. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec le real time à mon niveau. C'est juste que j'avais une info qui ressemblait dans ma fiche, mais en fait, c'était pas tout à fait ça. Donc, vas-y, tu peux me redire. Est-ce que Je ta fille remarque. t'accompagne? Est-ce que ma fille m'accompagne? Moi, je sais juste que t'as une fille, je sais pas si elle est vivante, si elle est morte, si elle est avec toi, si elle est pas avec toi. C'est une information que je t'avais donnée ou. Non, non, non, je sais pas, je te pose la question. D'accord, ça marche. Oui, effectivement, j'ai ma fille avec moi, je voyage avec. Ah non, c'est pas ta fille, ah excuse-moi, c'est ta sœur. C'est Ma ça, petite mais sœur je disparue. ne Ah savais oui, pas que c'était d'accord, une ouais, non, ok. information que je t'avais Ouais, donnée. non, c'est moi qui ai fumé la moquette. C'est oui, c'est ta petite sœur, pas Parce ta qu'en plus, fille. c'est une info que tu n'étais pas censé avoir, mais je ne sais pas si c'est celle-là que tu utilisais ou. Ah oui, c'est ta petite sœur disparue. Et donc du coup, elle a disparu, donc je sais très bien qu'elle est pas là. C'est ta petite sœur disparue justement que tu vois là. Voilà, je D'accord. me suis complètement craqué. Non, mais c'est pas grave, c'est une confusion. Est-ce que. Parce qu'en fait, le truc, c'est. Bah, justement, j'ai re-révélé ce que j'avais fait. C'est que ma petite sœur a disparu dans les marais. Est-ce que je la vois recouverte de vase? Est-ce que. Oui, en effet, ouais. À quel moment j'interviens pour décrire le souvenir qui va le frapper en pleine face? Bah, vas-y. Donc ta petite sœur disparue, en fait, tu te rappelles très bien dans quelles conditions tu l'avais perdue, puisque ce fameux jour-là, cette journée finissante, vous étiez en train de fuir à pleines jambes dans les bois, traqué par une sorte de sanglier mutant, un orla, hein. Et ta petite sœur a chuté et en soi, tu n'as rien fait pour terrifié par la chose, tu n'as rien fait pour la sauver, et c'est en fait sa chute qui jusque-là, du moins dans tes souvenirs, avait permis que tu t'en étais sorti en fait, puisque la bête s'était jetée sur elle, la dévorant sans doute, mais maintenant tu commences à en douter vu que tu la retrouves. Et voilà. C'est qu'en gros, c'est la chute de ta petite sœur et le fait de l'avoir laissée derrière toi qui fait que tu es encore en vie maintenant et tu pensais jusque-là que ce sanglier, ce hors-là, l'avait dévoré. Ok. Alors, je vais passer. Philippe, est-ce que ton micro est coupé, mais est-ce que t'es parmi nous? Je suis parmi vous. Ok. Du coup, on va passer à toi. On va passer à ton tour. Ayant fait le tour de la cabine du pick-up, j'en descends. Est-ce qu'on a beaucoup de réserves? Bah, ça te me le dire. De Probablement. réserve De sur vivres. sur. Bah, c'est à toi de me le dire, dis-moi ce que t'as sur toi. J'ai pas beaucoup de réserves. Donc il y a un chien et cinq cadavres humains, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait, Et le chien, c'est un Saint-Bernard, donc il y a ouais. de la bidoche là-dessus. Tu veux la récupérer? Oui, c'est ce que je vais faire. Je sors ma machette et je commence à découper le chien Alors, quand on cocker de traces voit saignées dans ça, les. tant que Gabriel, le cocker de Théophraste, il se met carrément à hurler à la mort, quoi. Est-ce que tu continues à découper Clefs, hein? Oui, sans avec rage. Si tu fais ça, il y a un prix à payer. Hein. Goupil, ce serait quoi le prix à payer? Belette. Goupil. Je suis pas le goupil de Volsung, moi. Non, c'est Volsung qui est goupil. Non, c'est Volsung qui est ton goupil. Ah, d'accord, je suis le goupil de... De Philippe, moi. Du coup, ouais, Philippe, ouais. Ok, tu peux me juste retirer la dernière phrase, s'il te plaît. Quand j'entends le chien qui commence à hurler à la mort parce que je découpe la carcasse, ça, visiblement, ça m'enrage. Je deviens tout blanc, je serre la mâchoire et je taillade avec rage. À la limite, je massacre presque les morceaux de viande. Et moi, j'articule, tu lui fais mal. Les crever. Je fixe la bête en... Et je m'attends avant de comprendre. Alors, juste pour information, j'ai décrit un système de résolution qui était un petit peu joueur contre MJ, mais il est évident que ça peut être joueur contre joueur, quoi. D'accord. Et donc, le prix à payer ? Ouais, mon cher Goupil. Alors, le prix à payer, ça va être... Ouais, parce que j'étais pas dans la position de Goupil, là, je m'étais inversé. Donc c'est le prix à payer pour continuer, c'est ça ? Ouais, tout à fait, ouais. Le prix à payer, je peux prendre en rapport avec les décisions d'un autre joueur ou tout reste la propriété du joueur et... Ouais, non, tu peux pas prendre une décision d'un autre joueur, ouais. D'accord. Ok. Il pourra continuer, mais enfin, ce qui va faire le hantera, en fait. Voilà. Ok. Bah ouais, donc du coup, très bien, ouais, très bien, ça roule. Est-ce que tu continues malgré tout ? Oui, je continue malgré tout, c'est vraiment dans mon personnage. Impeccable. Ben écoute, tu peux te rajouter morceau de nuggets de Saint Bernard. C'est pas juste toi, tu peux blaguer hors de ton personnage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tac. Ok. On va passer à Peggy. À Is plus exactement. Tout ça, là, les cris du chien, l'atmosphère morbide de l'endroit, c'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose, mais il n'est pas certain que toi tu étais en train d'inspecter les environs. Il n'est pas certain que que l'endroit soit très sécurisé. Il y a forte chance qu'il y ait des prédateurs qui zonent dans le secteur. En tout cas, t'entends de loin en loin des buissons qui frémissent, signe qu'il y a du passage dans le secteur, quoi. Ça a l'air plutôt animal ou humain ? C'est trop loin pour savoir. Bah, je regarde en direction de mes compagnons s'il y en a un qui est désœuvré. Ouais, ils ont l'air tous désœuvrés. je ne suis pas. En fait, j'attends mon tour pour les casques que je fais, mais je le suis pas. Il dit qu'il est en train de s'occuper du chien. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Théo ? Bah, en fait, une fois que j'ai compris que l'animal était mort, soudainement, je lève le nez comme si je passais à autre chose. Et en quelques bonds, je me suis perché au sommet du pick-up, quoi. Parce que j'ai remarqué la malle. Et j'ai commencé à taper dans mes mains. L'espace d'un instant, on voit le soleil mourant qui fait un peu briller les verroteries dont je suis affublé. Et je m'exclame « La surprise ! La surprise !» Ok, ben je vais aller voir Belette. Je tape sur l'épaule de Belette. Alors Belette se retourne d'un air vif, comme s'il était plongé dans un songe. Mais c'est rien, c'est juste moi. Il y a du bruit dans les buissons là-bas, je pense qu'il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un. Ah, oui, je peux y aller. Je vais y aller si tu veux. Et Il part d'un pas vif, plein d'assurance. Bah attends, je viens avec toi. Moi, je cavale derrière. Fait... Ah oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà. Oui. En fait, vous vous éloignez comme ça jusqu'à être... jusqu'à être un petit peu à la hors de portée de vue des autres. Et comment il y a un buisson qui gigote pas loin de vous en fait. C'est même assez étrange quoi. Généralement quand il y a un animal planqué dans un buisson, eh bien s'il y a du monde qui s'approche, le buisson arrête de bouger quoi. Et là vous avez ce buisson qui frémit. Bah moi, je vu que je pense qu'il y a peut-être un danger potentiel, je tends ma petite poupée Suzy, qui est une espèce de petite poupée de porcelaine, et j'avance avec elle en lui parlant et en lui disant que tout va bien se passer. Moi, je le suis. Ok. Donc, en fait, vous réalisez une chose, c'est que dans le buisson, eh bien, il y a pas d'animal. C'est le buisson qui, le buisson remue tout seul, en fait. Et est-ce que son apparence change? Est-ce qu'il semble être d'une vie particulière ou... En fait, il semblerait qu'il y a quelque chose sous la terre qui doit agiter les racines du buisson et c'est pour ça qu'il bouge quoi. Et tu vois le sol lui-même frémit quoi. Moi je regarde ça assez fasciné en fait. Tu crois que c'est des fourmis géantes? Si tu veux savoir ce que c'est, il y a un prix à payer. Non, je veux pas savoir, je sais ce que c'est. Ok. Des fourmis géantes. Les fourmis, elles vivent dans la terre. Ça a pas l'air de te faire très peur. Non, elles sont gentilles. J'inspecte... le pied du buisson, voir si je vois des petits trous ou des entrées de fourmilières. Et effectivement, tu repères ce qui pourrait ressembler à ça, ouais. Et on sent que le frémissement en vient. Quoi. Regarde, ici, tu vois. Ok, ben, du coup, je m'approche, bien que pas forcément très rassuré. De voir de quelle taille est le passage, à quoi ça ressemble exactement. Eh bien, il y a une bestiole qui sort d'un tunnel et c'est effectivement une espèce de chenille, je vais y arriver. C'est une espèce de fourmi qui fait bien la taille d'une main quoi, avec des grosses pinces sur la tête. Tu les entends presque claquer. Et t'as l'impression qu'elle sort presque prête à te bouffer le doigt, quoi. Moi, je suis bloqué devant, totalement fasciné. Ok. Voilà. Donc je vais tenter de faire quelque chose de stupide. Ouais, vas-y, fais des trucs stupides. Donc je vais te mettre en avant aussi un élément, donc dans le crâne j'ai tête brûlée. Et je vais essayer dans un élan héroïque, enfin je sais pas si on peut le passer à héroïque, mais de m'élancer vers un fourmi, de sauter sur son dos pour la... comme je pourrais chevaucher un... Attends, la fourmi dit qu'elle faisait la taille d'une main, alors pour la chevaucher c'est pas gagné. Ah ça fait la taille d'une main? Ouais. Ah désolé, je n'avais pas entendu ça. C'est parce que c'est une belette, il est tout petit. Désolé, j'avais mal compris. Ouais. Du coup, oui, j'attends de voir comment la fourmi Après, il y réagit. en a peut-être des plus grosses, mais il faudrait rentrer dans le terrier, quoi. Ouais, enfin, il y a une marche quand même. Alors, je vous laisse réfléchir à ça et je vais passer à Volsung. Ça marche. Plus exactement à Excusez-moi, Théo. juste une petite question Oui. technique. En fait, donc, si on a des choses en rapport avec ce qui se passe dans notre feuille, on te les révèle au fur et à mesure. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que moi, j'avais vertige des fourmis sur ma feuille. Impeccable. Bah ouais, vertige des fourmis, et donc ça veut dire quoi exactement? C'est que Sais t'es pas. fasciné par les fourmis, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. Contempler les fourmis, mais j'aime bien contempler les fourmis. Alors juste pour votre information, vous vous rappelez d'une chose au sujet de votre tribu, c'est que les fourmis géantes étaient utilisées pour faire des mises à mort. Quand il y avait des gens qui avaient failli, en fait, c'était comme ça qu'ils étaient mis à mort. C'était une façon de dire, bah c'est pas nous. En fait, on enterrait les gens avec juste la tête qui dépasse, et ils finissaient par se faire bouffer par les fourmis. Cool. C'est charmant. Ok. Donc, Volz, donc, Théo. Théo, il est perché au sommet du pick-up et Ouais. il est en train de s'acharner à. Alors, je me rappelle avoir vu dans la bio que la malle était fixée au pick-up. Ouais. Bon, en fait, il est en train Alors peut-être elle est de... fixée, mais avec des sangles, là, ça peut s'enlever très facile, assez facilement. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas, il fait jouer les fameux couteaux de lancer qu'il a et il tâche de couper les sangles et il marmonne toujours la surprise, la surprise. En applaudissant de temps à autre. Alors, la malle en elle-même, par contre, pour l'ouvrir, il y a un cadenas qu'il faut péter, quoi. Bah, il commence à triturer dessus, il comprend pas vraiment comment ça fonctionne et là il prend une expression boudeuse et toujours en marmonnant ma surprise. Mais là on sent que Théo est agacé, Théo est déçu. Du coup, tu renonces à ouvrir cette malle. Ben, je vais, en fait, il va sauter à bas du pick-up dans des mouvements très limite félins, quoi. Il va s'emparer d'une caillasse, ressauter à nouveau à bord du pick-up et tenter d'écraser le cadenas pour libérer Préchubutin. Ok. Bon, au terme de quelques efforts, tu arrives à ouvrir la malle. En fait, à l'intérieur, il y a un missile qui est posé sur des cales en bois. Le missile en lui-même fait presque la taille de la malle, hein, il est assez imposant. C'est un truc en métal complètement rouillé. Dessus, c'est écrit, bon, évidemment, vous savez, enfin, peut-être ça vous voir si vous savez déchiffrer, mais c'est écrit en cyrillique, en russe en fait. D'accord. Y a également, en fait, il y a un symbole. Pareil, si vous voulez de savoir déchiffrer le symbole, ça a un prix. Si quelqu'un s'y intéresse, je l'encourage à le faire. Là, il va s'en emparer comme si c'était une fusée d'enfant, quoi. Et commencer à la porter au-dessus de sa tête en bruitant la bouche, comme s'il la faisait vibrer, C'est quoi. lourd, hein. Si tu essaies de sous-peser, tu rends compte que le truc fait facilement 30 kilos, quoi. Ah, 30 kilos. Ouais. Parce que j'allais dévoiler le fait qu'il était athlétique, ce garçon, mais ça commence à Après, faire pour y jouer comme un enfant. bah comme un enfant athlétique qui va peut-être ouais. Du coup, j'en profite pour préciser dans ma viande que je suis athlétique. C'est comme ça que ça Ok. marche. Ok. Ok. T'es pas obligé de dire que c'est en viande, hein, par contre. Ok, d'accord. Quand tu dis qu'il y a un prix à payer, révéler une feuille, ça peut être En le fait, prix à alors un payer? prix à payer, effectivement, c'est dévoiler quelque chose, ou perdre quelque chose, ou comment avoir un nouveau handicap, quoi. D'accord. Mais en soi, le fait de dévoiler dans mon action que je dispose d'une feuille, est-ce que c'est une erreur tactique ou c'est ce qu'on attend de moi ou, Comment dire, c'est une règle de fair play jusqu'à présent. D'accord. Et c'est aussi que, en fait, si à un moment je te, comment, ça te permet de, comment, je vais donner un exemple plus concret que celui-là. Imagine, t'as écrit que t'avais un flingue. Et tu le caches pas, quoi. Et puis à un moment, tu dis, celui-là, je le tue, alors que j'ai expliqué que le mec, il était à 30 mètres de vous et tout. Je veux dire, bah non, tu peux pas, il va se barrer et tout. Et là, à ce moment-là, tu peux révéler le fait que t'as un gun, qui te permet de, bah, grosso modo, révéler tes feuilles, ça te permet de justifier tes actions. Donc, ce que t'auras tendance à révéler spontanément, c'est des choses qui sont purement descriptives. Ou des choses qui sont en fait des avantages dans. Ah, qui nous rendent service, ok. Voilà, tout à fait, ouais. Ok. Bon, pour l'heure, c'est ce que je me contente de faire. Ok. Ouais, bah, je pense que du coup, on va passer à notre ami Belette. Belette sort. Sort son yo-yo clignotant en fait et joue un peu avec dans le but d'attirer la fourmi, voir comment elle réagit. Bah écoute, quand tu fais ça, la fourmi a l'air assez intéressée par la lumière, quoi. Et surtout que la lumière est rare, hein, dans la forêt, quoi. Et en fait, il commence à y en avoir plusieurs qui sortent du terrier et de plus en plus grosses. Et elle grouille comme ça, quoi. Également, ce que tu remarques, en fait, avec ton yo-yo, qui est à la lumière de ton yo-yo, c'est qu'il y a des, vous n'avez pas forcément fait gaffe avant, il y a des traces de pas qui ont l'air de venir du pick-up, en fait, et qui s'enfoncent encore dans la forêt. Un pas humain, c'est des chaussures. Ouais, tout à fait, des chaussures. Elles ont l'air hostiles, les fourmis. Elles ont l'air de passer par cet endroit, ou d'être attirées vers moi. Les fourmis, elles sont attirées vers toi. Est-ce que tu les laisses aller sur ta peau? Ouais, je les laisse en jetant un œil à... À Is. À Is, ouais, pardon. Ouais, en fait, elle commence à... Elle dans commence le but à... d'attirer son attention, quoi. Ouais. Elle Moi, commence à te grignoter la peau. Qu'est-ce que t'entends par grignoter? C'est comme des piqûres, des choses de ce style? Bah, ça dépend, tu les laisses faire ou pas. Au début, ça râpe un petit peu comme la langue d'un chat. Ok. Je vois ça un peu comme une souffrance, je me laisse faire dans un premier temps. Une souffrance que je devrais subir. Ouais. Au bout d'un moment, ça fait plus comme la langue d'un chat, c'est plutôt comme si on trappait avec une râpe à gruyère, quoi. Ah oui. Ah oui, mais clairement, elles sont en train de te bêter, quoi. Ok. Il y a du sang ou quelque chose, moi, qui m'alerte? Ah oui, effectivement, là, ses doigts saignent. Parce que du coup, en plus, il y en a deux, trois autres qui commencent à arriver, intéressés par les autres doigts. Moi, je prends un bâton pour détacher les fourmis de lui. Ok, elles ont tendance à monter sur le bâton assez rapidement. Je lâche le bâton. Belette, il faut pas les déranger. Je fais signe de reculer. Il y a tes doigts ensanglantés, hein, qui piquent, évidemment, ça... Elle cherche de la nourriture et... Il faut les regarder, mais il faut pas les toucher. Ouais, bien sûr. Et enfin, je regarde mes doigts ensanglantés avec un air un peu extatique, comme si l'expérience m'avait plongé dans quelque chose. Tant que vous puissiez être satisfait. Et moi je vais faire mon ami Is. Regarde comme il a l'air bien, ça ne te dirait pas d'essayer? Je regarde la main de Belette et je tends la mienne vers les fourmis. Ok. Est-ce que tu les laisses les fourmis te manger jusqu'au sang? Non, je m'arrête. Je secoue la main dès que ça pique trop fort. Ouais. Au moment où ça pique trop fort, en fait, vous sentez que en vous mangeant, elles tentent de communiquer avec vous, en fait. Que c'est leur façon aussi de communiquer, quoi. Et qu'elles pourraient vous dire des choses si vous les laissiez un peu plus vous manger. Toi aussi, t'as senti quelque chose? Alors. Qu'elles veulent nous parler? Oui, je te réponds. Juste un petit instant. Je sais pas, mais j'ai senti un peu le même sentiment que lorsque j'entends des choses qui me parlent. Je m'en vois dans ma tête, dans le crâne. Moi, je tends ma main vers une fourmi, mais je voudrais juste essayer de toucher le bout de ses antennes. Tu vois, donc ses antennes vibrent. Après ensuite, elle essuie comment elle essuie ses petites pattes les unes contre elle, délivrant des phéromones. Mais clairement, c'est comment c'est, ça te permet juste d'un tout petit peu de communiquer avec elle. En fait, elle dans ta tête, elle te dit la reine. Évidemment, pour en savoir plus, il faudrait se laisser manger. Quoi. Petite précision au passage, peut-être pendant que Peggy réfléchit. Est-ce que les voix dans ma tête, est-ce que les fourmis, ça me rappelle ces voix ou pas du tout? Même si la sensation peut être proche. Les voix évoquent la reine en fait, mais à part ça, il n'y a jamais de fourmis dans tes visions quoi. Mais le terme de reine, t'es pas inconnu quoi. Le terme de reine m'est pas inconnu. Ouais. D'accord. Mais sans m'en rendre compte, ben je m'avance aussi un petit peu des fourmis. Peut-être tous les deux, on est un peu comme deux enfants qui s'approchent, même s'ils ont peur de quelque chose. Il y a une il y a une fourmi plus grosse, un peu laiteuse, qui s'approche et qui veut carrément te manger une phalange. Et fait la taille à la taille d'un rat. La reine. Il y en a plusieurs qui te des plus petites qui te montent le long des jambes. Tu sens la légère piqûre de leur croc. Je m'approche, je tends ma main, mais en même temps je ferme les yeux. Moi, je pose ma main sur son épaule. C'est donnant-donnant, mon ami. Tu lui files une phalange, et après, t'as le droit de l'écraser. Donc, tu lui laisses te bouffer la phalange? Ouais. Donc, effectivement, elle s'en repaît. Enfin, t'entends un grand clac. Et c'est l'ongle qui vient de partir, et ensuite tu la sens grignoter pour finir le reste de la phalange quoi. Elle prend son temps en fait, elle apprécie son repas et en même temps les phéromones commencent à te rentrer dans le sang. Et t'as une vision en fait d'une chose qui est sous la fourmilière, là sous la forêt dans le tunnel. Qui pulse, qui est rouge, énorme, gonflée, gestante, qui sait tout, et qui sait notamment, qui sait où est passée ta petite sœur, parce que c'est elle qui l'a emportée. C'est la reine, le fameux Orla que vous avez rencontré. Il était encore petit, il n'était pas gorgé de sang comme il est en ce moment. Elle sait, la reine sait où est passée ta sœur. et le sol commence à trembler sous vos pieds. Je vais passer à Dick. Ben, Dick, il a eu son attention attirée par la dent joyeuse de Théophraste. Ah, j'espère. Et je pense que malgré son infirmité en mémoire, Dick, il peut savoir assez vite ce qu'il a en main et peut-être même ce qui est écrit dessus. Ok, donc tu veux savoir lire ce qui est écrit dessus? Oui. T'as pas de... Ouais. Ah, si. C'est un prix à peu... À moins que t'aies écrit quelque part que t'étais polyglotte ou je ne sais quoi. Non, C'est un j'ai prix... cru que j'étais un génie. Ah, t'es un génie. Super. Ok. Bah voilà qui va pouvoir t'affranchir de payer le prix. Eh bien, en tant que génie, ouais, tu sais... Alors, c'est écrit « Missile Alexandre II ». Et le symbole qu'il y a, c'est ce qu'on appelle. En fait, tu l'as jamais vu, mais comment ton que dès que ton cerveau voit des choses inconnues, comment les choses commencent à s'assembler, c'est plus fort que toi. Et c'est un symbole danger biologique. Et il y a d'autres comment il y a d'autres tout un tas d'inscriptions nationalistes, comment vive la mère Russie. Ok. Bon, comme Est-ce que tu... Ouais. il est très intelligent, mais il n'a pas de mémoire. Donc, il comprend les choses, mais sans voir tous les référents. Donc, mère Russie, mais il comprend clairement que c'est une arme et que c'est dangereux. C'est ce que je lui Ouais. propose. D'accord. Théophraste, repose ça doucement là où tu l'as trouvé, s'il te plaît. Il te regarde un peu hébété, sans comprendre, et il reprend de plus belle et bruite la bouche. Théo, pose. Dépose. Il fait une grimace et il s'exécute. Alors que tu manipules le missile, ça fait flou à l'intérieur comme s'il y avait quelque chose de à la fois liquide et métallique. Et ensuite, ça fait un peu comme un gargarisme, un bruit de ventre. Il se met à rire bêtement et tente de reproduire le son. Puisque Agis c'est le vite parce que son. dans un instant il va y avoir un nuage. Oui, puisque c'est le son qui m'intéresse. Je sors ma guimbarde, puisque c'est mon instrument, et j'essaye de l'intéresser en jouant un air simple qui le réjouit toujours, mais pas, enfin, qui le calme plutôt. Un air qu'il aime bien et qui a tendance à l'apaiser, celui que je lui joue au soir pour l'aider à s'endormir. Est-ce que c'est un air qui te rappelle un souvenir Probablement, oui. Probablement des souvenirs heureux. J'en ferai une feuille, du coup. Dès l'instant où tu commences à entonner les premières notes, il se précipite à bas du pick-up, il s'assoit religieusement devant toi et dodeline de la tête en appréciant le spectacle. Et en fait, autour de Dick qui comment autour de Dick qui joue l'harmonica, Non, il y a la guimbarde. et qui joue de la guimbarde, autant pour moi. Bon alors, il y a ton comment il y a ton petit frère qui danse autour de Dick, comment tout en jouant de la flûte de Pan. Ah. Et il est comment il a le visage couvert de ces tatouages que vous avez dans votre tribu. Et il est heureux comme tu l'as jamais vu. Enfin, c'est voilà, c'est un souvenir heureux, quoi. Je le notais. Is. Oui. Si vous restez là, il y a de fortes chances que les fourmis continuent à vouloir vous bouffer, quoi. Et qu'il y en ait de plus en plus grosses qui sortent du terrier. Je prends un peu l'aide par la main et on recule. En chassant les fourmis avec le bâton, mais sans leur faire de mal. Ok.